Salut les amis, c'est Sofiane, on se retrouve pour un nouvel épisode du podcast. C'est en forgeant qu'on devient forgeron et c'est en galérant qu'on devient humoriste. Voici Galère d'humoriste avec aujourd'hui Maé. Et salut, ça va tout le monde? Ça va toi? Super. Bon, merci d'avoir accepté l'invitation. Bien sûr. Donc tu avais une ou plusieurs anecdotes à nous raconter? J'ai une anecdote en particulier. Il n'y a pas très longtemps, j'ai joué dans un restaurant. Déjà ça commence bien. Un dîner-spectacle. Et je suis en plein sketch, le serveur me demande d'arrêter. Parce qu'il voulait passer avec les salades. Pour servir une table juste derrière moi. Il a interrompu mon sketch. Pour ça. Il m'a dit, voilà, arrête deux secondes, je sers la table et tu reprends. Oui, bien sûr. C'est la base, écoute. C'est la base, je me suis arrêté. La salade d'abord, les vannes après. C'est comme ça. Exactement. Et j'étais choqué. Et après, bon, après ça cassait vraiment le rythme du spectacle. J'ai eu du mal à reprendre. C'est normal. Tu sais, le mec, genre, il te reste trois mots pour ta chute et il te fait stop. Après tu reprends au bout d'une minute avec les trois derniers mots, bah t'as flingué la vanne. Exactement. Oh là là. Ça c'est mon souvenir le plus douloureux. Le plus douloureux la dernière fois. Après t'en as joué peut-être. J'en ai joué derrière, bien sûr. J'en ai joué, mais après ça j'ai eu du mal vraiment à me remettre dedans. Ça faisait combien de temps que tu faisais de la scène? Ça faisait 2 ans. Ouais, donc ça, c'était quand même assez vert, ouais. Donc c'est vrai que quand t'es vert, t'es dans les débuts et tout, on l'est toujours, hein, quelque part, on est toujours dans les débuts aussi. Mais je veux dire, quand t'as que 2 ans de scène, t'es pas encore prêt à sortir, tu sais, genre en tout terrain. Exactement, en fait, il faut avoir du répondant. Ben voilà, et là tu l'as pas encore tout à fait. Là t'es en train de maîtriser déjà le fait de parler devant des gens, tout ça. Exactement. Donc je comprends ta galère. Et laisse tomber, ça me rappelle d'ailleurs, dans un autre épisode, on a fait ça avec mon pote Maxime Sandré. Mm-hmm. Qui m'a raconté, alors c'était pas le serveur, c'était quelqu'un à table, il jouait devant des tables et tout comme ça, qui mangeait, et il y a un moment, il y a un mec qui lui a dit, écoute, tu peux parler moins fort dans le micro, parce que je suis en train de parler avec mes amis, là, je n'entends pas. J'imagine, il lui a demandé d'interrompre le spectacle pour pouvoir discuter avec ses potes. Ah, mais c'est, donc c'est là, c'est pas mal. Bon, après, on faut reconnaître que c'est pas le lieu non plus le plus adapté pour faire des sketchs. Oui, mais au moins, moi j'estime, tu vois, je l'ai fait pas mal de fois et je le ferai sûrement encore, mais j'estime qu'au moins, quand tu fais un dîner-spectacle dans un endroit qui n'est pas adapté à la base, au moins, mets les bonnes conditions, que les gens ne mangent pas pendant le spectacle déjà. Ouais, c'est sûr. Moi, je l'ai fait plein de fois, et à chaque fois que les gens mangent en même temps, t'as beau être le meilleur humoriste du monde ou le plus nul, l'effet est le même. Les gens n'écoutent pas. Ah, c'est sûr. Les gens, ils sont plus concentrés sur leur entrecôte que sur toi. Mais c'est exactement ça. Et des fois, l'entrecôte, elle est même pas terrible. Tu vois ce que je veux dire ou pas? C'est même pas une question de bouffe. C'est même pas une question de qualité, c'est une question de bouffe. Ouais. On est en France, on bouffe, on n'écoute pas de vannes. C'est comme ça. Et bah, c'est pas encore dans la culture véritablement. Tu vois, mais ça rentre d'installer tout doucement. C'est en train de venir petit à petit. On n'est pas encore aux States et tout. Ouais. C'est en train de s'installer. Mais c'est vrai que moi, je préfère. Tu vois, moi, quand on me propose des trucs comme ça, on a déjà trouvé une solution pour un plateau, pas pour un spectacle entier, mais pour un plateau. On a déjà proposé la solution de jouer entre les plats. Ouais. C'est-à-dire que ils servent les entrées, les gens mangent, ils arrêtent de manger, plus personne ne bouge, un humoriste monte. Il termine, on sert les plats principaux. Et ainsi de suite. Et ainsi de suite. Tu vois, voilà. Ça marche. C'est bon délire, ouais. Ça marche. Mais quand t'as un spectacle entier à faire, ouais. Alors là, la solution, moi, ce que je propose à chaque fois, tu sais, aux gens qui me font ça et tout, qui me proposent ça, je leur dis, si c'est possible de les faire manger soit avant, soit après, de préférence, je préfère qu'ils mangent après. Ouais. Parce que s'ils mangent avant, ils sont un peu somnolents derrière. Ouais, ouais, digestion. Digérer, ouais. Puis des fois, ils boivent. En plus. On va pas se mentir. Donc le mieux, c'est vraiment après. En tout cas, bah écoute, c'est une galère comme on en a tous eu et on en aura encore. Merci beaucoup pour cette anecdote. Et où est-ce qu'on peut te retrouver? Alors, je suis au Théâtre des Trois Bornes. Oui. Jusque fin mai, tous les jeudis. D'accord. À 20h sur Paris. D'accord. Alors, je sais pas quand est-ce que l'épisode va sortir, mais de toute façon, les gens peuvent te retrouver sur les réseaux sociaux en tapant. Ils trouveront toutes tes dates en tapant Mahé. C'est ça, Mahé, Mahé officiel. M-A-H-E. M-A-H-E, pas de E. Ouais, d'accord. M-A-H-E, ok, officiel. C'est ça. Mais très bien, avec grand plaisir. Bah, merci beaucoup, Sofiane. Merci à toi. Et pour ma part, vous me retrouvez sur tous les réseaux sociaux, donc Sofiane Etahi, E de T-A-I, sur Facebook, Twitter, YouTube, Instagram. N'hésitez pas à vous abonner, à laisser une note sur 5 étoiles et un commentaire. N'hésitez pas à en parler autour de vous également. Et puis, je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Bis à tous, même à toi là-bas.